Double X on the trap, bitch. Je ne sais rien du tout. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Baby, tu connais, j'mène la vida loca. Vida loca, loca. Ah, that's right, that's right. La famille avant tout, faut protéger nos gars. Jamais, jamais. Ah, je marche avec elle, mais j'évite les faux pas. Je marche avec elle, je marche avec elle. Assumer au cas où tu sais qu'il le faudra. Ah, chez nous, aucune pitié pour toi, pour cas. Jamais dû écouter l'avocat. Mieux vaut être enfermé dans un local avant le coup découpé dans un bocal. Vivre tourmenté ça ne vaut pas. Garde ton calme, pas notre vocal. J'ai la ferme quand on m'attrape, je ne sais plus rien. Ces pédés font de la trappe, mais te laisse en chien. La dignité avant tout, seul et triste au fond du trou. Aucun arrive à me mettre à bout, non. J'ai le cœur qui bat la chamade quand j'entends le pimpon. Le pimpon, même moi. Non, j'ai rien vu, j'ai rien entendu, on m'a troué les tympans. Je n'entends pas. J'suis au 36, je pense à elle. Chacun fera ce qu'il faut, ma belle. Silencieuse comme une momie, on sait jurer un jour et cracher ses promesses. On se verra à la sortie. J'suis pas une salope. Aucune pitié pour toi, Pouka. Non, non, non, non. T'aurais jamais dû écouter l'avocat. Jamais. Mieux vaut être enfermé dans un local avant le coup découpé dans un bocal. Libre et tourmenté, ça ne vaut pas. Garde ton calme, pas notre vocal. Je me rappelle que tu m'as dit on ira loin. Kalash, Hollywood, boulevard en train de tirer sur mon joint. Kalash, je regarde les étoiles, il est minuit sur ma montre. Kalash, même si tous les jours les poucaves nous envoient à l'ombre. Allah Ister maudit, à 300 dans l'Audi. Tu sais depuis petit, j'écoute jamais ce qu'on me dit. La Lamborghini est devant, derrière y'a l'avocat. Au bled j'y retourne souvent, faut une bague pour papa. On s'est vu, on s'est plus, je me rappelle comme si c'était hier. Aujourd'hui on ne sait plus, on s'est revu, on s'est tu. Je sais que je vais mourir seul. Maman, la rue t'a volé ton garçon. Je vends de la haine à personne. La cocaïne est dans le poisson. Yeah, yeah, la crème, la crème. Aucune pitié pour toi, Pouka. Non, non, non, non. T'aurais jamais dû écouter l'avocat. Mieux vaut être enfermé dans un local avant le coup découpé dans un bocal. Tourmenter ça ne vaut pas. Garde ton calme, pas notre vocal.